Parfois on s'ouvre, parfois on souffre. Des fois on s'aime, parfois on souffle. À quand mon tour, parfois j'étouffe. Elle dit je t'aime, je fais le sourd. Parfois je crie, des fois je ris. Personne m'entend, seul dans le vide. Tant de choses à dire, mais on évite. Je fais semblant, ici tout va vite. Il suffit de briller, et les fantômes s'invitent. Dois-je oublier, dois-je vous laisser fuir? Envie de vivre, je me jette à l'eau. Face à moi-même, je me dévoile. Je ressens des choses, mais je trouve pas les mots. Dois-je m'en aller, m'en aller, m'en aller? Dois-je m'en aller? Tes côtés, suis-je dans un rêve ou une réalité? Sommes-nous ensemble, sommes-nous liés? Je t'ai vu disparaître et j'ai réalisé. Parfois mieux vaut s'en aller. On t'envoie des signes mais tu peux les voir. Le temps pourrait tout recoller. On le sait, on dit que je suis pas le même. J'évite le regard des gens. La passion prend du ferme quand la fierté prend le vent. Le ravis nous malmène, on se laisse guider par le temps. On aime les problèmes, on apprécie quand ça dérange. Allez oh oh, qu'est-ce que tu connais? Oh oh, faut pas déconner. Oh oh, laisse-moi oublier. Oh. Dois-je m'en aller, m'en aller, m'en aller? Dois-je m'en aller? À qui la faute, à vrai dire, je m'en fous. Tu vas comprendre, mais là, je dois m'enfuir. Seules les plaies sont au rendez-vous. Dois-je m'en aller, m'en aller?